listening to Overdrive on Radio Dio. Salut à tous, bienvenue dans Overdrive. C'est parti pour 90 minutes de musique qui pulse sur le 895 de Radio Dio. En ouverture, le groupe Catatonia, et c'est son album Dead Air qui faisait partie de cette collection d'albums qu'on a vu enregistrer live, enregistré en studio à la bonne époque du confinement. C'était paru bien entendu en 2020, une année bien entendu charnière pour beaucoup de monde. Catatonia, Tear Gas en live, et ils sortiront leur prochain album très vite. Ce sera début juin sur Napalm Records, et on en repassera bien entendu dans Overdrive sur Radio Dio. Machine Head avec ce Undertone qui divise un petit peu les foules. Certains l'adorent, comme par exemple Rolling Stone Magazine, d'autres comme Rock Hard Magazine sont plus critiques avec le groupe de Rob Flynn. Ils n'aiment pas vraiment le style qu'emploie le groupe sur ce nouvel album, n'appréciant pas vraiment ce côté des refrains qu'il trouve un peu trop putassier. En tout cas, faites-vous votre propre avis. Ici, Machine Head se retrouve avec un line-up qui a encore évolué depuis le dernier album. Une fois de plus, il s'agit du groupe avant tout de ce bon vieux Rob Flynn, qui a quand même une sacrée personnalité musicale que l'on aime ou non. Machine Head, Outsider, extrait de son dernier album, Unatoned, tout de suite. l'ennemi à ma croix. Ce que l'ennemi à ma croix. Ce que l'ennemi à ma croix. Ce que l'ennemi à ma croix. So I'll keep staying on the outside. You make your bed and now the walls are closing in. You sold your soul and now you want mine. Tragic disaster and it's all so sick. Yes, vous venez d'entendre Machine Head avec son dernier album Outsider, extrait de ce disque Unattend. On continue avec quelque chose de tout simplement un peu plus hard FM, AOR certains diraient, avec le groupe Giant qui nous a sorti son dernier album et on en voit tout de suite le deuxième morceau de l'album, c'est A Night to Remember, Giant. About you, I could not forget the things that we've been through. Yeah. Yes, vous venez d'entendre Giant. Maintenant, on passe avec un côté un peu plus metal progressif et le groupe Maestric qui nous a sorti cet album Espresso della Vida. Ils nous viennent, il me semble, d'Amérique du Sud, Brésil de mémoire, sorti sur le label Frontiers Records. Ce sera maintenant au tour de Upside Down pour faire un petit côté de l'autre bout de l'équateur. Toujours sur Overdrive Radio Dio, il est maintenant 21h passé de 50 minutes. Toujours sur le 895 de Dio, encore une petite seconde avant qu'on puisse démarrer la musique. Encore une fois, on rappelle ici le groupe Maestric avec ce Upside Down par ce groupe de metal progressif. Upside down, calling all the creatures. Upside down, they're calling you, calling you. Upside down, they are waking our seeking while the sleep devours. Calling you, calling you. rapide comme l'éclair, toujours Yngwie Malmsteen avec ce No Rest for the Wicked, extrait de son dernier album Tokyo Live. Malmsteen qui n'a pas vraiment changé son fusil d'épaule, et on continue avec du bon vieux rock'n'roll, parce que s'écouter de mieux en ce vendredi soir du mois de mai. Et ce sera le groupe Spleen Breaker qui nous sort cet album Human Comedy, à la pochette des plus marrantes, dans lesquelles on voit une bande de potes habillés un petit peu comme les Ramones, mais ce sont tout simplement des chiens qui sont en train de trinquer dans un pub avec Human Comedy, extrait de cet album Human Comedy, et le morceau Mainstream, tout de suite sur Overdrive Radio Duo. Spleen Breaker maintenant, et ce morceau mainstream, ce sera autour de la guitariste chanteuse Lucy Sue qui nous vient du sud-ouest de la France, qui de nous présenter son dernier album Battle Station et le single, le simple qui vient de sortir avec Reckless. Tout de suite, elle sera au Hellfest. Elle a notamment joué également de la basse dans le groupe de heavy metal français Furies, et on s'en va ça tout de suite, toujours sur Overdrive Radio Duo. Et après le tour de Lucy Sue que vous avez écouté ici, qui nous vient du sud-ouest de la France, on va passer à Stone Fest tout de suite dans un côté assez stoner rock qui fera là aussi son petit effet. Selling more, selling your aspects. Vous venez d'entendre le groupe M. Bush avec Evil in All Dimensions pour du heavy metal traditionnel. On continue maintenant avec le groupe Shotgun Logic. Ils seront du côté du Mocastor Party. Ça se passera demain soir. On sera le 17 mai prochain du côté de Ambière, pas très loin de Rouen. On retrouvera également Kazim Hazel K qu'on diffusera un peu plus tard dans la soirée, ainsi que les copains de Art Attack, Genocide et Obsessed. Tout de suite, ce sera au tour de Shotgun Logic du côté de Ambiel demain soir le 17 pour le Newcastor Party. Ça devrait être une chouette soirée. On s'envoie tout de suite la petite bombinette Trash Adaptive Manipulator. Yes, assez trashy que ce Shotgun Logic que vous retrouverez tout de suite, plutôt demain soir du côté de Ambierle pour le Myocastor Party. Et on continue maintenant avec une longue plage, c'est Doomy et Red Moon Architects et ce morceau The Depth. We'll be right back. Et on va continuer après ce moment de lenteur avec Crematory et The Future is a Lonely Place. Tout de suite, il est 22h passé de 30 minutes sur Overdrive Crematory. We are reaching for the sky. Ofo Am avec ce Octopus Vulgaris pour ce morceau instrumental du plus bel effet. On va continuer maintenant avec Rare Bird, ce morceau de Idle Airs paru sur Relapse Records, qui fonctionne là aussi pas mal du tout. Vous écoutez toujours Overdrive et on engage maintenant la dernière partie de l'émission. We'll be right back. On a déjà parlé Camisole Kay du côté de Ambiel demain soir pour le Mio Castor Party. Ce sera en compagnie de Shotgun Logic qu'on a écouté un peu plus tôt et de Heart Attack Genocide pour le rendre. Ça voit ça tout de suite avec Camisole Kay et le morceau Dairy for Key. Lick, maintenant après Camisole Kay, ce sera au tour de Lick qui nous a sorti cet album Necro sur Metal Blade Records et on a là du bon death metal avec le morceau Deceased. Yeah! Yes, Lick, L-I-K, excellent que ce Deceased sorti sur cet album Necro de Death Metal, paru sur Metal Blade. Et on va se terminer ce soir avec Behemoth et son dernier album, The Shit of God, morceau titre, un Behemoth qui revient plus vénère que jamais. Nergal à l'écrou et ça s'entend. Eat my flesh, drink my blood, I am the shit of God! Say Voilà, Overdrive, c'est terminé. On va se quitter au son de Onslaught, qui est ce groupe de trash anglais qui reprend bien entendu le classique de Motorhead, Iron Fist. On rappelle le www.radiolio.org, on rappelle le www.facebook.com/Overdrive Radio Duo, les plateformes hébergées sur la plateforme Mixcloud, Overdrive Radio Duo sur Instagram, et on se dit à la semaine prochaine. Même heure, même fréquence pour 90 minutes de musique qui pousse. Merci, ciao, bye bye.